Et de ce côté-ci, me connaît bon week-end en fin de semaine. L'instructeur Yannick Jean était de passage sur les ondes de CKRJ avec Michel Tifo et Dominique Bauduc. Donc, on écoute cette entrevue. Hockey Junior. Comme tous les lundis, on fait une discussion avec l'entraîneur des Saguenay-Chicoutimi. Entre autres, on va revenir sur les deux parties du week-end contre les Foreurs de Val-d'Or. Deux en deux. Yannick Jean, bonjour. Bonjour. Un 2-2 qui doit satisfaire l'entraîneur-chef. Deux victoires qu'on ne devait pas échapper cependant contre une équipe qui est derrière nous dans le classement. Non, c'est quatre gros points. C'est une grosse fin de semaine pour nous. C'est important. On n'avait pas l'impression là, qu'on avait nécessairement joué un match là, avec le couteau entre les dents lors du match contre Gatineau. Jeudi, on voulait rebondir avec deux grosses performances. C'est jamais facile dans notre ligue de gagner deux matchs en deux soirs contre la même équipe. On a réussi à marquer des buts plus régulièrement, de plus en plus au filet. On a eu beaucoup de chances de qualité. Offensivement, là, c'est un gros week-end pour nous. Tu as pris la décision d'amener le nouveau gardien de but, Daniel Maudit, dans les buts pour la partie de dimanche. Comment veux-tu l'utiliser d'ici la fin de la saison? Ben, c'est des situations comme ça. Hein. On a trois matchs en quatre jours. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont brûlées dans le passé en faisant garder leur gardien numéro un trop. Je suis arrivé dans les séries éliminatoires où est-ce que c'était plus difficile pour ces gardiens-là. Donc, on veut s'assurer de bien gérer nos gardiens, de bien gérer Alexis jusqu'à la fin de l'année. Puis, Moody va voir l'action sur une base régulière quand même. Et comment as-tu trouvé sa performance à sa première partie dans l'uniforme des Bleus? J'ai trouvé solide. Il s'est battu. Beaucoup de chances de qualité contre lui. Quelques échappées. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à se reprocher sur les buts. Donc, c'était pas nécessairement facile. Il avait pas gardé les buts là, depuis un mois. Étant donné là, qu'il était rendu chez lui lorsqu'on l'a réclamé sur la période de balotage. Donc, je pense qu'il peut être fier de lui. Une performance positive qui va lui donner confiance. Hey, tu parles de confiance. Est-ce que le départ de Zachary Boutillier peut donner une confiance supplémentaire à Alexis Schenk? Qui sait qu'il devrait voir le filet plus souvent d'ici la fin de la saison? Je pense pas que ça donne une confiance supplémentaire, mais tu sais, Alexis, c'est notre homme de confiance. Je pense pas que ça change nécessairement grand-chose, mais définitivement, c'est lui notre gardien de but numéro un, c'est lui notre gardien de but de maintenant et du futur également. Donc, tout le monde a confiance en lui, c'est puis le ressent. Je suis allé au match en fin de semaine, mais j'ai été impressionné par la stature du défenseur Crevier. Je l'ai trouvé très imposant, la défense. Est-ce que tu es content de sa progression? Énormément. C'est un joueur qui a commencé à avoir de l'action sur une base régulière là, seulement qu'au mois de novembre. En début de saison, s'est fracturé la clavicule au camp d'entraînement. Ça a été long là, avant qu'il puisse intégrer la formation par la suite. Mais depuis qu'on l'a inséré dans la formation, le fait d'impressionner, il est très, très solide, soir après soir. Il se sert même de son grand gabarit pour couper énormément de jeux offensifs de l'autre équipe. C'est un joueur là, qui est en développement et qui va être important pour notre brigade défensive pour quelques saisons. J'avais bien hâte de voir jouer le nouveau venu aussi, William Dufour, un choix de repêchage au dernier repêchage de la Ligue. Et il a été rayé de l'alignement en raison d'une blessure au dos. Est-ce que c'est grave, cette blessure au dos-là? Non, c'est des spasmes. Il se sentait beaucoup mieux aujourd'hui. Il a des chances d'être dans la formation là, lors des prochains matchs. Et pour ce qui est des autres joueurs blessés, il y a encore des joueurs qui sont à l'infirmerie. Ça donne quoi là, comme résultat? Niazir se rapproche d'un retour au jeu, de moins en moins de douleurs. Du côté de la vigne, va rencontrer l'orthopédiste jeudi cette semaine. Donc, on va avoir probablement une meilleure lecture à ce moment-là. Bon, votre prochaine partie est mercredi. Après ça, vous allez sur la route. Quel est le plan de match pour les Sags là, pour les prochaines rencontres? On veut avoir une dernière bonne performance à la maison. Par la suite, là, on part là, pour le match de Québec samedi. Et dans la fin de semaine suivante, là, un 3-3 dans les Maritimes. Donc, on continue de jouer les équipes où est-ce que Chaque match est accessible. On veut continuer dans la même veine que ce week-end-là, en faisant bien des choses offensivement, capable de marquer des buts là, avec plus de régularité. Quand il y a du va-et-vient, là, comme ça se fait à chaque période des fêtes, il y a toujours 2-3 nouveaux, 2-3 départs. Est-ce que l'acclimatation est difficile pour les nouveaux venus? Ça dépend. Ça dépend dans quel état d'esprit tu arrives dans ta nouvelle formation. Les joueurs qui sont arrivés étaient extrêmement contents. Je pense à Murphy, à Dufour, à Maudy, à la Breck également. Là, tous des joueurs qui se sont joints à nous à la période des fêtes. Tous ces quatre joueurs qui étaient extrêmement contents de se retrouver ici. Je pense que dans ce temps-là, l'acclimatation est beaucoup plus facile. Et d'ici la fin de la saison, Yannick, est-ce que tu as des objectifs bien précis pour ce qui est des performances de ton équipe? Oui, tu sais, c'est certain que on veut, solidifier notre position au classement dans notre conférence. On veut, si possible, essayer là, de gagner peut-être un échelon ou deux. On veut rester là, dans le groupe là, qui est au-dessus de nous là, pour essayer le plus possible de challenger nos joueurs jusqu'à la fin de l'année. Et la progression de tes jeunes, parce que tu as plusieurs jeunes de 16 et de 17 ans, est-ce que ça va à ton goût? Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce que tu es content de la progression des jeunes de 16-17 ans? Oui, vraiment. On le voit là. C'est seulement qu'une question de régularité, de maturité dans leur cas. Mais tu sais, on voit les deux premières étoiles, c'était La Pierre et Rochette, qui ont donné un bon spectacle. Puis ces jeunes-là là, sont vraiment sont solides. Puis on veut les mettre dans des conditions pour qu'ils soient nos moteurs offensifs là, dans les années futures. Yannick Jean, merci beaucoup. Bonne chance pour mercredi, pour les prochains matchs. On se reparle la semaine prochaine.